plus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. On est tous issus d'un drôle de monde. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. Ok, on vient d'un monde où certains soucient du 440 et où d'autres veulent s'armer pour faire face gros en 4 carottes. On voit parfois l'amitié jouer la pute comme Paris Hilton. Tu rends service à tes potes mais tu vois que c'est pas réciproque. La vérité est hypocrite et souvent dit des balivernes. Un clochard sur deux sur Paris dépasse pas l'hiver. Les aspects sont trop agiles, les portables c'est du 3G. Le maquillage c'est de la magie, à 14 elles passent trop âgées. Y'en a qui veulent se ranger mais y'a toujours une chaussette qui dépasse. Les humains commencent pas avec la même chose dès le départ. On vient d'un monde où son pique pas le hasard dit t'as pas le mental. Ou quand on on peut ou sur toi ton voisin. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. J'écris avec le cœur et je le peaufine avec les mains. Mais je vois que l'humain invoque le mal. L'attention monte, vu le climat, avoue que les mains sont moins cléments. Stop pour un oui, pour un non. Stop. Je deviens parano, plus d'un contre un. On opère en nombre, on vient d'un monde. Au cours du shit, on se destroy des gueules. Tu ris, mais qu'est-ce que t'es con. On vit, le test, drogue et gueule. Si tu stresses, t'es calme. On prend le temps, repars l'école. On n'est pas les plus à plaindre. Si tu veux, je t'en reparle encore. Et ouais, issu d'un monde où la tromperie ne pardonne pas. J'ai peur d'une part de perdre ma femme pour une paire de nibas. Et puis, ça déteste et des queflis, des tensions, des conflits, des tasses. Des confits, des tadis, des kiffis. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. On vient d'un monde où la richesse bâtit sur le dos des pauvres. L'espoir a cessé le feu, la liberté dorme dans des pots. Où les femmes sont des hommes et ces derniers se prostituent. Je viens de ces coins du monde qui font peur quand le peuple se prosterne. Un monde où la résistance est plein des armes lourdes sous une pluie de missiles, sous le sang la paix prend sa douche. On vient d'un monde où l'homme est faible, un paradis pour le chétan où règne la bêtise humaine de ceux qui croient qu'on mérite de shit. Là où l'Afrique est malade depuis que le monde lui file son cancer dans les mamelles. Pourquoi l'indépendance, nos pays c'est choquant. Où mes rêves se résument à mourir dignement. Le paradis pour y vivre éternellement. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. On est tous issus d'un cerveau où la peur nous dit surtout pas. Mais au lieu de faire sa vie, on regarde la biographie surtout pas. On est tous issus de la génération Montana, Tony Mer. Monsieur le mal, cette vie m'a donné ton email. On est tous issus d'un monde qui saigne une seule règle. Du plus fort s'impose, la fin du monde arrive en accéléré. On est tous issus d'une infidélité où on aime Jedra. Où GTA est écoutable et qu'on a tous MP3. On est tous issus de la banlieue solo dans mon bâtiment neuf. Dans ce monde, j'ai que le rap et j'ai du moins bâti mon neuf. On est tous issus de classe sociale où l'échec scolaire nous perce. On redouble des fort comme Alan avant que nos cœurs se meurent. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots. On est tous issus d'un drôle de monde. Jour en jour on laisse entrer le démon. L'ascension de l'argent entraîne des mots. Parlons, évitons la trêve des mots.